Chapitre 28e. Qui était vraiment cet homme? Après tout, elle ne l'avait vu que les quelques fois où elle allait dans ce magasin de meubles. Il y avait des années de cela. Se pouvait-il qu'après tant de temps, leur attirance fût encore si forte? 3 mois passèrent sans que Marina ne se décidât à aller au rendez-vous que Jason lui avait donné. Elle y pensait pourtant jour et nuit. Se pouvait-il que cet homme l'aimât? Après tout ce temps, cela lui paraissait si peu probable. Mais leurs yeux racontaient tout le désir qu'ils avaient l'un de l'autre. Un matin, quelqu'un sonna à sa porte. Écartant le rideau, elle aperçut un jeune homme. Encore un agent immobilier ou quelqu'un de semblable, pensa-t-elle. Elle attendit qu'il s'en aille, mais il insista tellement qu'elle finit par ouvrir. Vous êtes Madame Leroy? Oui, c'est à quel sujet? Pourrais-je vous parler quelques instants? Je suis le jeune frère de Jason. Entendant ce dernier nom, elle ouvrit immédiatement la porte et fit entrer son visiteur. Que se passe-t-il? C'est Jason qui vous envoie? Oh non, il est bien trop fier ou trop stupide pour ça. Non, mon père, mon frère et moi-même avons décidé que je devrais vous parler de Jason. Cela fait plusieurs mois désormais qu'il vous attend tous les jours à l'aéroport. Qu'il fasse beau, qu'il vente ou qu'il pleuve, il est au bout de la route, adossé à la clôture, et attend pendant des heures. Pourtant, ces derniers temps, il n'est plus le même, et nous avons peur pour lui. Il est très attaché à vous. Il nous a parlé de votre rencontre 18 ans plus tôt, et jamais il n'a pu vous oublier. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il vous aime comme un fou. À ces paroles, Marina sursauta violemment. Par contre, si vous ne l'aimez pas, reprit le jeune homme, ne lui donnez pas de faux espoirs. Allez le lui dire directement. Je vous en prie, voulez-vous faire ça? Je vous propose de vous y conduire et éventuellement de vous ramener chez vous. Marina réfléchit quelques minutes. Il serait plus juste de dire à cet homme qu'il était encore trop tôt. Elle demanda au jeune homme de l'attendre et revint quelques instants plus tard habillée d'un chaud manteau. Je vais y aller seule, si vous le permettez. Bien sûr, vous êtes libre. Je ne disais cela que pour ne pas trop vous déranger. En ce cas, au revoir, Madame Leroy. Mais j'espère vraiment vous revoir. Marina sortit sa voiture et conduisit jusqu'à l'aéroport dans un état second. Mon Dieu, le revoir, revoir ses yeux. Lorsqu'elle aperçut Jason tout au bout de la route, adossé à la clôture, l'air épuisé, une barbe d'au moins 3 jours lui mangeant le visage, les cheveux emmêlés par le vent et dégoulinant de pluie, il lui sembla que son cœur s'arrêtait. Elle freina brusquement et s'arrêta. Jason vit venir à lui cette voiture et mit toute sa ferveur dans sa prière. Lorsqu'elle fut assez proche pour qu'il reconnût la passagère, il bondit et courut les derniers mètres, un grand sourire éclairant son visage amaigri. Elle fit glisser la vitre et le regarda. Vous, enfin, vous êtes venu, j'y crois à peine. J'aimerais vous parler. Montez, vous allez attraper la mort. Non, je ne veux pas vous parler dans une voiture et au bar de l'aéroport, il y a trop de monde. Je vous en prie, allons chez moi. Voyant son hésitation, il ajouta: Je vous jure sur mon honneur que jamais je ne ferai quelque chose qui vous déplairait. Je vous aime trop pour cela. Elle resta un instant sidérée. Elle avait bien entendu. Il lui avait dit qu'il l'aimait. C'était insensé. Elle devrait le lui dire, mais il restait là, sous la pluie, à attendre sa décision. Finalement, quel mal y aurait-il à se mettre à l'abri et à discuter confortablement installé? D'accord, je vous suis. Non, laissez donc votre voiture ici. Mon frère va s'en occuper. Je reviens dans un instant, le temps d'aller chercher la mienne. Ne bougez surtout pas, lui demanda-t-il d'un air implorant. Marina était très troublée. Il fallait à tout prix qu'elle lui dise qu'entre eux c'était impossible. Son divorce n'était même pas encore prononcé. De plus, il lui semblait si difficile de faire confiance à un homme désormais. Le jeune frère de Jason revint et, avec un grand sourire, lui dit qu'il s'occuperait bien de sa voiture. Un superbe coupé Mercedes s'arrêta près d'elle. Montez vite, fit Jason. Ils mirent à peine 10 minutes pour traverser la ville. Malgré la circulation dense, Jason conduisait vite et maîtrisait parfaitement son véhicule. Ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble ultramoderne sur les hauteurs de Rouen. La porte télécommandée du garage s'ouvrit sans bruit. Coupant le moteur, il sortit vivement de la voiture et en fit le tour pour lui en ouvrir galamment la portière. Ils empruntèrent ensuite l'ascenseur privé qui les mena rapidement au dernier étage. Ouvrant la porte, il fit entrer Marina. En un clin d'œil, celle-ci détailla le luxueux appartement. De grandes baies vitrées laissaient entrer le jour filtré par de lourdes tentures. Un immense canapé de cuir crème faisait pratiquement le tour de la pièce où il se trouvait. Donnez-moi votre manteau. Il l'aida et pour la première fois, elle sentit ses mains sur ses épaules. Un violent frisson se propagea jusqu'au creux de ses reins. Si vous le permettez, je voudrais pouvoir me changer et me raser. Je suis désolée de me montrer sous mon plus vilain aspect. Cela vous ennuierait-il de m'attendre quelques instants? Pas du tout, je vous en prie, prenez votre temps. Elle se dit qu'elle aurait ainsi un peu de recul pour réfléchir et peut-être calmer les pulsations de son cœur qui s'accélérèrent lorsqu'elle le vit ôter son pardessus trempé puis sa veste. Cet homme avait le don de la perturber rien qu'en le regardant. Il s'éloigna. Elle alluma une cigarette et se dirigea vers le canapé. Était-ce possible qu'après tant d'années, il puisse avoir encore autant d'impact sur elle? Comment ferait-elle? Il lui suffisait de s'approcher pour qu'elle perde le contrôle de sa pensée. Elle en était là de ses réflexions quand il revint portant un plateau sur lequel trônait un superbe seau à glace, une bouteille de champagne millésimée, deux coupes en cristal et une somptueuse rose rouge baccarat dans un magnifique soliflore. Il posa le plateau sur la table basse et, souriant, lui dit « Je vous remercie de votre patience. Je n'étais vraiment pas présentable. La douche m'a réchauffé et m'a redonné un peu de tonus. Vous accepterez bien une coupe de champagne? » Volontiers. Il était si délicat envers elle. Ce n'était pas possible. Elle n'aurait jamais dû accepter de l'alcool. Elle était partie si vite qu'elle n'avait pris le temps d'un petit déjeuner. À jeun, l'alcool serait redoutable, mais serait-il aussi redoutable que cet homme? N'osant poser ses yeux sur son regard si bleu, elle les glissa un instant plus bas. Désastre! Une minuscule goutte d'eau descendait de son cou vers sa poitrine musclée. Une bouffée de chaleur s'empara d'elle lorsqu'elle pensa au trajet qu'allait emprunter cette petite goutte. Il fallait à tout prix que son esprit se fixe sur autre chose. Il avait ouvert la bouteille sans qu'elle s'en aperçût et lui tendait une flûte. J'espère que vous aimez le champagne. Ah, c'est le seul alcool que je supporte. Je dois dire qu'il est un peu tôt pour moi. Oh, excusez-moi. Peut-être préféreriez-vous un café ou même autre chose. Non, non, ne vous dérangez pas, cela ira très bien comme ça. Vous êtes sûr? Parfaitement. Elle prit la coupe qu'il lui tendait. Ses mains tremblaient légèrement, mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle constata que les siennes tremblaient elles aussi. Elle trempa ses lèvres dans le breuvage délicat, reposa son verre, puis, pour se donner une contenance, alluma une autre cigarette. Jason, pendant ce temps-là, avait une folle envie de prendre cette femme dans ses bras et de l'embrasser à en perdre la raison. Mais s'il allait trop vite, elle s'enfuirait, et ce n'est vraiment pas ce qu'il voulait. Il voulait qu'elle soit à lui et rien qu'à lui, pour toujours et consentante. Cela fait bien longtemps, n'est-ce pas? Vous savez que jamais je n'ai pu vous oublier? Vous avez hanté mes jours et mes nuits, et jusqu'à maintenant cela continue. Vous exagérez, vous ne devriez pas parler comme cela. Vous savez, je suis venue ici. Elle ne put finir sa phrase. Il lui avait pris la main, celle avec laquelle elle tenait sa cigarette, et l'approcha de ses lèvres. Lentement, en la regardant directement, il tira une bouffée de fumée, et avant qu'elle n'ait pu lui retirer sa main, fermait les yeux et lui embrassait sensuellement la paume. Puis doucement, il la relâcha. Elle faillit en faire tomber sa cigarette. Il lui fallait fuir et tout de suite. Elle se leva et se dirigea vers une des baies vitrées. Monsieur Emerson, Jason, je vous en prie, appelez-moi Jason. Il la suppliait presque. Bon sang, elle sut qu'elle allait lui faire du mal, mais elle ne pouvait laisser la situation aller plus loin. Jason, si je vous ai suivi jusqu'ici, c'est pour vous dire que. Enfin, je ne nie pas l'attirance que j'ai pour vous, mais je ne peux pas. Elle se retourna vers le canapé, croyant le voir toujours assis au même endroit. Elle se retrouva soudain face à lui. Il s'était levé et l'avait rejointe à côté de la fenêtre. Ils ne se retrouvèrent plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses grands yeux bleu nuit la détaillant sans vergogne, la caressant, la déshabillant presque. La tension monta d'un cran lorsqu'il lui prit la main pour la poser sur sa poitrine, à l'endroit même du cœur. Alors il murmura. Vous sentez comme il bat? Il ne bat que parce que vous êtes là. S'il vous plaît, ne le brisez pas plus qu'il ne l'est déjà. Je vous aime depuis si longtemps. Je sais que vous avez beaucoup souffert ces derniers temps, mais je vous promets que cela n'arrivera plus jamais, jamais avec moi. Vous pouvez me faire confiance. Jason, vous savez que je suis encore mariée. Ce ne serait pas raisonnable. Une larme coula doucement sur la joue du jeune homme. Vous préférez être raisonnable et nous briser tous les deux? Elle secoua la tête, soupira tristement et se dirigea vers la porte d'entrée. Marina! Le cri qu'il poussa, à la fois rauque et plaintif, la fit se retourner malgré elle. Marina, reprit-il si bas qu'elle eut du mal à l'entendre, je vais patienter si vous me promettez de penser à ce que j'ai dit et j'aimerais une chose, une seule chose. Jason sentait que la jeune femme, malgré le désir qu'il lisait dans ses yeux, était affolée. Il fallait qu'il la rassure, qu'il lui fasse comprendre qu'il ne voulait pas seulement son corps, mais aussi son cœur. J'aimerais que vous m'accordiez une danse. Éberluée, Marina se dit qu'il était devenu subitement fou. Une danse à 11 heures du matin. Elle le regarda encore une fois et s'aperçut qu'il ne plaisantait pas. Une main tendue vers elle, il attendait. Je n'ai que ce moyen pour vous tenir dans mes bras sans vous effaroucher. Et il y a si longtemps que je rêve de ce moment-là. Allez-vous me refuser cette faveur? Je vais craquer s'il me touche, se dit la jeune femme. Être contre ce grand corps ferme et musclé, c'était impossible. Jamais elle ne pourrait résister. Mais que faire? Pourtant l'envie, le désir étaient presque palpables entre eux, bien qu'ils ne soient séparés que de quelques mètres. Il attendait toujours une supplique au fond des yeux. Elle restait cependant sans bouger, sans être capable d'articuler le moindre son. Alors il baissa la main qui retomba le long de son corps et dit simplement « Très bien, j'attendrai. J'ai déjà attendu si longtemps que je ne suis plus à quelques mois près. Je vais vous raccompagner. » Elle se retourna vers la porte et pensa qu'elle lui faisait vraiment trop mal. À elle aussi d'ailleurs. Pourquoi faire? À quoi bon résister? Il lui avait dit qu'il l'aimait depuis bien longtemps et elle le croyait sans réserve. De plus, il avait attendu si patiemment. Pourquoi faire une chose pareille? Elle se retourna alors lentement vers lui. Il baissait la tête, les yeux dans le vide, anéanti. Soudain, elle prit une décision. Jason, relevant les yeux vers elle, elle y vit tout l'amour qu'il voulait faire passer à travers eux. Il ne lui en voulait même pas. Oui, j'aimerais danser avec vous. Vous acceptez? Vous n'allez pas changer d'avis, n'est-ce pas?